En signe de félicitations au maréchal Kim Jong-un pour son élection au poste de président du Parti Travail de Corée, le Congrès national démocratique du Kana lui a fait parvenir le 24 une corbeille de fleurs.